بسم الله الرحمن الرحيم. سئل الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى: ما حكم من أصابها الحيض قبل الإفطار وهي صائمة بفترة بسيطة أي بوقت قصير؟ أي سي كوا لو جوجمون دون فام سون سيكل أي دي مونسترو il lui arrive juste avant l'iftar, juste avant le coucher du soleil. Est-ce que son jeûne il est accepté ou pas? Par exemple, غروب الشمس, l'heure du maghrib, c'est à 19h et son cycle commence à 18h50, 18h55, une minute avant, مهم quelque temps avant le غروب. Est-ce que son jeûne il est accepté ou pas? قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى: إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت الصحيح وجاءها الحيض قبل الغروب فيجب عليها قضاء ذلك اليوم. شيخ العثيمين رحمه الله الى montré ان si cette femme son cycle il arrive avant le غروب, هنا il a cité un point important, si le مؤذن il fait l'adhan à l'heure. C'est pour ça que dans la question on a cité ما يتعلق بالغروب, لان la durée du jeûne, c'est du Fajr jusqu'au coucher du soleil. Donc, si le mu'adhin, il fait l'adhan avant, on qadar dans une ville, dans un endroit, il fait avant, on n'a pas le droit de manger. Si on sait, bien sûr. On sait que ce mu'adhin, il fait avant l'heure. Même si on entend l'adhan, on ne mange pas. Si le mu'adhin, il retarde l'heure de 5, 10 minutes, akthar, aqal, c'est permis de manger. Donc, cette femme, si son cycle, il arrive avant l'adhan, et bien sûr ce mu'adhin il fait l'adhan à l'heure, elle doit refaire le jeûne. Limada li anna as-siyam, c'est une ibada qui a une durée déterminée. Du lever du fajr jusqu'au coucher du soleil. Falihada, même un instant, même si son cycle commence quelques minutes, quelques secondes avant ghurub ash-shams, son jeûne il n'est pas accepté. Donc fi hada al-hal, cette femme, elle doit rattraper ce jour. Après Ramadan, elle doit rattraper ce jour. Et bien sûr, elle ne fait pas salat al-maghrib et l'isha, etc. Limada li anna ala, son cycle il a commencé. Kam as-siyam wa as'ilatin ukhra. Cheikh al-Uthaymeen rahimahullah kadhalik fi risalatihi ad-dima at-tabi'iyya lin-nisa, il a une risala nafi'a jiddan concernant tout ce qui est lié au sang de la femme, les menstrues, etc. Qal wa idha hadat wa hiya sa'imah بطل صيامها ولو كان ذلك قبل الغروب بلحظة. Même si c'est un instant avant le ghuroub. Et vous avez remarqué que Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, il a cité al ghuroub, le coucher du soleil. Donc ما يتعلق بالإفطار والسحور, rompre le jeûne, quand est-ce que tu n'as plus le droit de manger, tout ça c'est par rapport à ces deux temps, طلوع الفجر et le coucher du soleil. قال ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضا. Et ça c'est une autre précision. Elle doit rattraper ce jour si c'est un jour obligatoire. Imma Ramadan, imma pendant Ramadan, imma un jour obligatoire qu'elle rattrape. Donc dans ce cas, elle doit le rattraper, et ce jour, il n'est pas compté. Amma siyam an-naf, un jour recommandé, matalan le lundi, le jeudi ou autre, fa fi hadha al-hal, elle ne jeûne pas, et elle arrête de jeûner plutôt, ou son jeûne, il n'est pas validé, et elle n'a pas à le rattraper. قال أما إذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها تام ولا يبطل على القول الصحيح. Une autre précision, أن si cette femme elle ressent أن son cycle va commencer, لأن معلوم عند النساء أن avant que l'écoulement de sang il commence, les femmes elles ressentent certaines douleurs au niveau du ventre, de la poitrine, etc. معروف. Si elle ressent ces choses avant Al-Ghuroub, avant le coucher du soleil, et on est encore en train de jeûner, et il n'y a pas d'écoulement de sang, son jeûne, il est accepté. Fi hadha al-hal, elle continue. Limadha li anna adh-dhabit, ce qui annule le jeûne, et kadhalik, ce qui empêche la femme de faire as-salat wa as-siyam, c'est l'écoulement de sang. Amma ce qui arrive avant, hadha, c'est des signes qui annoncent que le cycle va commencer. Lakin le cycle commence avec l'écoulement de sang. Donc, tant qu'il n'y a pas d'écoulement de sang, son siyam, il est accepté. Et, alhamdoulillah, la femme qui a fait ce jour et qui n'a pas pu le finir, et elle avait une bonne intention, fa fadlullah, il est wasi'. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il la récompensera pour cette partie. Lakin, vu que c'est une adoration qui est déterminée, qui est limitée plutôt dans le temps, à une période précise, et elle a manqué une partie, elle doit le refaire. Et alhamdulillah, un jour, c'est très simple, et tahtasibul ajr, et c'est une fursa, elle va refaire un autre jour, et idnillahi azza wa jal, ça lui fera des hasanat, fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala, tawfiq lil jami' wa naktafi bihadal qadr. والحمد لله رب العالمين.